pour sauver un ingrat, je me trahis moi-même. Tandis que le père est fidèle aux pieds des immortels, peut-être en ce moment s'unit à ce qu'il aime. C'est trop souffrir des affronts si cruels. Vengeons ma flamme malheureuse. Livrons l'ingrat Jason à des maux éternels. En perdant ma rivale ruse. Livrons l'ingrat Jason à des maux éternels. En perdant ma rivale ruse. Peace.